Extrait quatrième, sur Couffle d'Acieux. Les Anglais voulaient la bataille. On pouvait voir l'horizon le Kent, l'Eagle et la Queen Elizabeth s'avancer de front à la rencontre de leurs ennemis. Il était tout près de 5 heures du soir. Manifestement, le combat, s'il s'engageait par ailleurs, serait interrompu par la nuit. On était à cette époque dangereuse et indécise entre les moussons, où le vent semble hésiter à prendre sa direction et passe aux 4 points cardinaux. Surcouffe, qui ne négligeait aucune circonstance, fut particulièrement impressionné par une brusque saut du nord-est au sud. Il appela Clavaillant. « Jacques, dit-il, voici qui va contrarier les Anglais, mais qui nous servira en même temps. Je vais tenter quelque chose de ma façon, et je crois que je réussirai. »« Il est dans tes habitudes de réussir, » répliqua plaisamment le marquis. Ainsi qu'il l'avait prévu, fatigué par le vent debout, les vaisseaux anglais n'avançaient plus que péniblement. Il est vrai que la même cause retardait la marche de la Confiance laissée en arrière avec le Good Hope. À la chute du jour, les deux navires étaient à portée de canon des vaisseaux anglais. Surcouffe leur enjoignit aussitôt d'ouvrir le feu, sans ralentir leur marche, afin d'attirer l'escadrille le plus avant possible. Car il redoutait la brusque survenance du reste de la flotte anglaise et voulait s'accorder le loisir de combattre les 3 chefs de file au plus tôt. La Confiance obéit strictement, et sous les premières ombres, une longue détonation annonça que les Français n'avaient pas attendu le feu de l'ennemi. C'étaient d'excellents pointeurs que les corsaires. Ce premier coup eut une merveilleuse portée. Il atteignit l'Eagle, auquel il emporta le Beaupré, avec une partie du gaillard d'avant, ce qui contraignit la corvette à stopper. Les 2 autres vaisseaux, craignant de se perdre dans les ténèbres, mouillèrent à leur tour sur un haut fond de l'île et attendirent le jour. La Confiance en profita pour évoluer à l'avant du Kent, auquel le Good Hope envoya une double volée de ses pièces de retraite, tuant et blessant 15 d'hommes. Furieux, l'Anglais riposta à outrance et creva la hanche du Good Hope à tribord. Le pauvre navire blessé dut s'enfuir pour échapper à une seconde décharge. C'était le moment choisi par Surcouffe pour accomplir son trait d'audace. Il avait relevé très exactement la situation des vaisseaux anglais. Entre le Kent et la Queen Elizabeth, s'ouvrait un passage à peine suffisant pour qu'un vaisseau passât au risque de se voir foudroyé par les 2 adversaires à la fois. Ce fut pourtant là le parti que prit le redoutable corsaire. La nuit était devenue tout à fait noire. Couvrant ses feux, démasquant les 50 pièces de sa batterie, Surcouffe prit le vent dans toutes ses voiles et courut droit aux 2 vaisseaux anglais. Il était 2 heures à peine du matin, et la canonnade entre la Confiance et le Kent avait pris fin depuis 10 heures du soir. Les équipages harassés, ne soupçonnant point une agression nocturne, se reposaient en toute sécurité. Le revenant avait pour lui, par-dessus tout, sa prodigieuse vitesse. Mais pour tenter une telle manœuvre, il fallait des matelots prodigieux. Il fallait en outre le chef incomparable auquel il s'était donné aveuglément. Le terrible corsaire s'élança donc, vent arrière, avec une formidable vitesse. Il arriva ainsi à une encablure de la Queen Elizabeth, sans qu'on l'eût vu venir. Mais à ce moment, la vigie jeta le signal d'alarme, appelant tout le monde sur le pont. La circonstance était prévue. Surcouffe avait pris ses précautions. Toute la batterie de tribord envoya s'aborder à la corvette. Ce fut effroyable. 30 hommes tombèrent. L'artimon, haché, s'abattit sur le gaillard d'arrière. La confusion fut inexprimable. « Feu !» ordonna désespérément le commandeur Peterson. Il était trop tard. Emporté par sa fulgurante vitesse, le revenant était passé, envoyant sa bordée de bâbord au Kent à peine réveillé. La riposte des vaisseaux anglais n'atteignit qu'eux-mêmes, et pendant les 2 heures de nuit qui restaient à courir, le Kent et la Queen Elizabeth se canonnèrent avec une stupide fureur. À l'aube, ils s'aperçurent de leur désastreuse erreur et cessèrent le feu. Hélas, elle avait été effroyable, cette confusion. Le Kent avait 20 boulets dans sa coque, la Queen Elizabeth, outre son artimon rasé, avait eu son gouvernail brisé. Pendant ce temps, le corsaire revenait sur ses pas et rejoignait Jacques, émerveillé. « Hein ?» lui dit-il, tandis que ses matelots riaient à gorge déployée. « Crois-tu que ça a assez bien réussi ?»« Les voilà en train de se bombarder à qui mieux mieux. Nous n'aurons plus qu'à ramasser les blessés et les morts. » Et il riait lui-même du succès de son stratagème, montrait son équipage au complet, sa carène intacte. Puis, après avoir fait distribuer double ration de vin et d'eau de vie et trinqué avec l'équipage entier, il dit « Allons, que tout le monde aille dormir. C'est un repos bien gagné. Et il reste encore beaucoup d'ouvrages pour demain. » L'ordre fut exécuté sur le champ. Les matelots ne demandaient qu'à dormir. Tandis qu'ils regagnaient leur hamac, Surcouf faisait mettre un canot à la mer et, conduit par six rameurs de la Sainte-Anne, accompagnés de la Confiance et ceux du Good Hope, les plus éprouvés par le feu de l'ennemi. Le jour se leva enfin, un jour clair, lumineux, mais dont l'ardeur torride se trouvait atténuée par les souffles d'une brise fraîche. L'heure de la grande bataille avait sonné. Déjà, sur les rivages de l'îlot, les prisonniers, Lady Stanhope en tête, étaient accourus pour assister aux péripéties du combat. Toute la nuit, ils avaient été tenus en haleine par le bruit du canon. Ils avaient vu la mer s'illuminer au large des rapides éclairs des bouches à feu. Haletant d'angoisse, sentant que leur destinée se jouait sur l'abîme sans qu'ils pussent céder au dénouement, ni prêter la main à leurs compatriotes, ils avaient appelé le jour de tous leurs vœux, espérant que la victoire appartiendrait aux Anglais. Car ils ne pouvaient croire que les corsaires eussent l'audace de s'attaquer à la marine régulière de la Grande-Bretagne, à une frégate flanquée de deux corvettes de la Royal Navy. Et cependant, cette invraisemblable hypothèse, ce jour qu'ils appelaient de tous leurs vœux, enfin allait la leur montrer réalisée. Dès que les premières brumes furent dissipées, on put voir de la côte les trois vaisseaux de guerre s'avancer résolument. Les Anglais prenaient l'offensive, ils jouaient leur batou. La lumière leur avait permis de reconnaître les avaries subies par leur propre maladresse et de quelle ridicule façon ils s'étaient laissés jouer par leur ennemi. Et maintenant, la rage au cœur, altérée de vengeance, ils brûlaient de faire expier à l'audacieux corsaire l'humiliation qu'ils avaient subie. Mais Surcouf était déjà prêt à la lutte. Les équipages, reposés frais, faisaient des gorges chaudes sur l'incident de la nuit. Tous les hommes, aptes à la lutte, la hache et le sabre d'abordage au poing, s'apprêtaient à fondre sur leurs adversaires. Ils avaient eu l'avant-goût de la victoire, ils entendaient bien l'achever. Au moment d'appareiller, Jacques de Clavaillan appela Will. « Guillaume, mon enfant, lui dit-il, voici la première affaire à laquelle tu vas assister. Elle sera chaude. As-tu peur ?» Les yeux du mousse étincelèrent et son poing se serra convulsivement. « Est-ce à moi que vous dites cela, monsieur le marquis ?» Jacques eut un bel éclat de rire et frappant sur l'épaule du gamin. « Bravo » fit-il. « Voilà la meilleure réponse. Monsieur le marquis, rien que ça. Morbleu ! Tu me rappelles la réplique de Rodrigue à son père dans le Cid. Je vois que tu seras crâne. Viens ça ! Et embrasse-moi comme un frère. » Guillaume se jeta éperdument dans les bras de son chef. Celui-ci reprit, après un examen scrupuleux du mousse. « Tu n'as pas beaucoup plus de 13 ans, je crois, mais tu en marques 17 ou 18. Songe que les godems ne t'épargneront pas. Fais donc bien ta besogne, et ne ménage personne quand nous aborderons, car il est certain que nous irons à l'abordage, mon gars. » Il n'avait pas fini de parler que le signal de l'attaque était hissé au grand mât du revenant.